Chapitre troisième. Retour chez Monsieur Levent. Le meunier, ayant sa leçon préparée, se mit en route dès le point du jour avec ses souliers ferrés, sa canne et son manteau de laine. Comme il savait le chemin, il ne perdit pas de temps, et il arriva devant la caverne à 10 heures du matin. Cependant le ciel s'était chargé de gros nuages rouges à l'horizon. Un orage se préparait. Les esprits de la caverne parlaient tous à la fois. Monsieur Levent demandait ses habits de voyage et se préparait à sortir. Lorsqu'il aperçut le meunier, il lui cria d'une voix de stentor. « Maître Jean-Pierre, tu as le talent d'arriver toujours mal à propos. Il faut que je sois dans un quart d'heure au milieu de l'océan. J'ai deux vaisseaux à faire naufrager. Va-t'en bien vite, ou sinon je te précipite du haut de la montagne dans la plaine. »« Monseigneur, répondit Jean-Pierre, au lieu de tourmenter ces pauvres vaisseaux qui ne vous ont rien fait, écoutez-moi. Je suis malheureux et persécuté. Monsieur le baron est venu chez moi avec ses hommes de guerre et il m'a pris de force mon petit tonneau d'argent. Cela ne se peut pas, s'écria Monsieur Levent. Si on avait voulu te prendre le petit baril d'argent par la violence, il se serait enflé si gros qu'on n'aurait pu le faire sortir ni par la porte ni par la fenêtre. Tu l'as donc vendu ou donné volontairement? Tu es un menteur et un fourbe. Je ne sais à quoi tient que je ne te casse la tête. Jean-Pierre se jeta par terre à deux genoux. Pardonnez-moi, monseigneur, dit-il en pleurant. « Si j'ai menti, c'est ma femme qui m'a conseillé. Je suis au désespoir d'avoir mérité votre colère. »« Eh bien, que me veux-tu? Je voudrais un merveilleux autre petit tonneau. »« Qu'on lui donne donc mon petit tonneau d'or, mais ce sera mon dernier présent. »« Que ce drôle ne revienne jamais dans ma caverne. S'il y remet les pieds, qu'on lui tourne le cou à l'instant. » Les esprits apportèrent un joli petit tonneau d'or et une baguette. Jean-Pierre mit le tout sous son bras et se sauva en courant. À peine fut-il hors de la caverne, que l'orage éclata. Il entendit M. Levent passer au-dessus de sa tête en volant d'une vitesse effroyable. Les esprits de la tempête accompagnèrent le meunier jusque chez lui avec des éclats de rire. « Qu'il est heureux, disait-il, qu'il est heureux de posséder le petit tonneau d'or. »« Oui, je suis heureux, répétait Jean-Pierre. Riez tant que vous voudrez, je me moque de vous. » Claudine attendait son mari avec une impatience extrême. Lorsqu'elle le vit revenir portant le petit tonneau d'or, elle battit des mains et sauta de joie. « Nous voilà riches pour toute notre vie, » disait-elle. « Ce ne sont plus des couverts d'argent que nous allons posséder, mais des cuillères et des fourchettes d'or. Nous les vendrons, et avec leur prix, nous pourrons acheter des domaines, des maisons et des châteaux. Quand même Monsieur le baron nous offrirait 100 000 écus, nous ne lui donnerions pas le tonneau d'or. Dépêche-toi, Jean-Pierre, dépêche-toi de frapper avec la baguette, car je n'ai point préparé le dîner, tant j'avais de confiance dans la bonté de Monsieur Levent. » Jean-Pierre posa le petit baril par terre et frappa un grand coup avec la baguette d'or. La bande du tonneau s'ouvrit et il en sortit une fumée noire qui monta jusqu'au plafond de la chambre. Cette fumée prit une forme humaine. Jean-Pierre et sa femme distinguirent une tête et un corps, mais une tête grosse comme une citrouille, avec des traits affreux et un corps gros comme le tronc d'un chêne. Le meunier se trouva en face d'un géant d'une force extraordinaire et armé d'un bâton. Aussitôt que ce géant put se tenir sur ses pieds, il courut à Jean-Pierre, le saisit d'une main par le collet de sa veste, et de l'autre, il lui appliqua sur les reins 25 coups de bâton si terribles que le pauvre homme en poussa des cris pitoyables. Cela fait, le géant s'évanouit en fumée et rentra dans le petit tonneau comme il en était sorti. Le meunier et sa femme ne pouvaient se consoler. Jean-Pierre resta pendant 1 heure étendu sur son lit à gémir. Claudine pleurait amèrement, et le petit Pierrot criait de toutes ses forces. La meunière mettait déjà son bonnet pour aller raconter cette aventure malheureuse à sa voisine, la laitière. Lorsque M. le baron vint à passer en revenant de la chasse avec ses valets et ses piqueurs, le seigneur entra dans la chaumière pour se rafraîchir. « Que vois-je donc là? Est-ce que ce petit baril d'or serait un nouveau cadeau de M. Levent ?»« Précisément, monseigneur, répondit Jean-Pierre. J'arrive à l'instant avec mon tonneau merveilleux, et je ne sais pas encore ce qu'il renferme. »« Il faudra me vendre cela, mon ami, » dit le baron. « Nenni, nenni, monseigneur, » répondit le meunier d'un air rusé. « C'est assez de vous avoir vendu mon baril d'argent. » Je ne recommencerai pas à faire la même faute. Cependant, si je t'offrais une somme plus forte que l'autre, 12 000 livres par exemple, je ne vous les donnerai pas pour 15 000 livres. Eh bien, je t'en propose 18 000 livres. C'est 20 000 que je veux avoir. La somme est énorme, mais j'ai de l'amitié pour toi, et je ferai ce sacrifice. Tu auras 1 000 écus comptants, et pour le reste, je te remettrai une promesse par écrit. Nenni, monseigneur, je sais trop bien ce qui arrive à vos promesses signées. Vous me donnerez 20 000 livres comptant en bon écu, ou vous n'aurez point le petit tonneau d'or, car je fais peut-être encore un mauvais marché. » Le baron avait tant peur de manquer l'occasion qu'il envoya un express au château demander 20 000 livres à son intendant. Au bout d'un quart d'heure, on apporta 20 sacs tout pleins d'écus. Jean-Pierre vérifia la somme, rangea les sacs dans son armoire et mit la clé dans sa poche. Puis il donna le petit baril d'or et le seigneur partit enchanté de son acquisition. À son retour au château, M. le baron s'enferma dans sa chambre pour essayer son petit tonneau merveilleux. Il frappa dessus avec la baguette et aussitôt la fumée sortit en prenant la forme d'un géant et le géant donna 25 coups de bâton au seigneur. Les gens de M. le baron l'entendirent pousser des cris aigus. Lorsqu'ils accoururent, ils trouvèrent leur maître étendu sur le carreau. Le géant était déjà rentré dans sa demeure, et on ne sentait plus dans la chambre qu'une légère odeur de fumée. Comme le seigneur avait les reins moins durs que le meunier, il resta au lit pendant 2 jours avec une courbature. Mais il ne voulait point se vanter des coups de bâton qu'il avait reçus, c'est pourquoi il ne parla de son aventure à personne. Il feignit même d'être très content de posséder le petit tonneau d'or. Cependant, le meunier et sa femme employèrent utilement leurs 20 000 livres. Ils achetèrent des prés et des champs, ils firent abattre leur mauvaise cabane et partirent à la place une belle ferme avec des granges, des étables, des écuries et une bergerie où ils mirent un troupeau de moutons. Jean-Pierre eut des valets de charrue, des travailleurs à ses gages, un garçon pour veiller au moulin. Au lieu de moudre du blé pour les autres, il fit de la farine avec le grain qu'il récoltait. Claudine acheta une robe de soie pour aller à la messe le dimanche. Aussitôt que Pierrot fut assez grand pour apprendre à lire, on l'envoya à l'école et dès l'âge de 6 ans, il était déjà plus savant que son père et sa mère. Ces bonnes gens auraient pu vivre heureux et tranquilles sans la méchanceté de leur seigneur. Monsieur le baron leur gardait rancune pour les coups de bâton qu'il avait reçus et les 20 000 livres qu'il avait payés. Il s'amusait à lâcher du gibier sur les terres de Jean-Pierre, et sous le prétexte de la chasse, il dévastait les champs avec ses chevaux, ses chiens et ses piqueurs. Le meunier avait beau se plaindre, on ne l'écoutait pas, et on recommençait le lendemain.